Nous retrouvons Franck Ferrand pour notre rendez-vous Un jour dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre, est-ce que cela vous dit quelque chose? Ah, ça me rappelle le 27 décembre 79, quand je dis rappel au sens propre, parce que moi j'étais enfant, mais je me rappelle très bien l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. Ah oui. On avait à l'époque les images officielles fournies par l'agence TASS, l'agence soviétique. On voyait ces milliers de chars qui franchissaient la frontière sud de l'Empire. Alors pourquoi est-ce que l'URSS de Brejnev a-t-elle pris cette décision? Ah ben, on peut se poser la question, après coup, à la lueur des énormes dégâts causés par cette guerre à l'Union soviétique. Mais pour les stratèges du Kremlin, il était absolument établi depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Afghanistan était ancré dans leur bloc. Or, depuis déjà une décennie, la soviétisation de ce pays farouche se heurtait, vous le savez, à la résistance de plus en plus forte de mouvements islamistes, eux-mêmes soutenus par le bloc occidental, hein, puisque c'était les Américains qui armaient en fait les musulmans contre les soviétiques. Bref, Moscou a décidé de frapper un grand coup, sans se douter que ce qui devait n'être au départ qu'une opération de police, certes très musclée, mais opération de police quand même, une opération au secours du gouvernement communiste de Kaboul, allait virer à l'enlisement et au cauchemar. Oui, parce que l'armée rouge va très vite se heurter aux Moudjahidines. Exactement, aux combattants de la foi, avec à leur tête le fameux commandant Massoud, le lion du Panjshir. Le Panjshir, c'est une vallée encaissée que les soviétiques tenteront de conquérir à 7 reprises, et ils n'y arriveront pas. La fin de l'Empire déjà se dessine. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Quel est le thème de votre émission? La saga des Rothschild. Ah, il y a de quoi dire. Ah oui. Tout à l'heure, merci Franck. Dans un instant, la météo et le journal de 6h. Bon réveil à tous.